Le Rassemblement national consacré au centenaire de la fondation de l'Association nationale coréenne par M. Kim Hyong-ji, combattant révolutionnaire indomptable et éminent dirigeant du mouvement anti-japonais de libération nationale, s'est déroulé le 22 au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les cadres des organismes du parti, des forces armées, des ministères et des établissements centraux, les méritants, ainsi que les officiels des établissements, usines et entreprises, les novateurs et les familles des martyrs de la ville de Pyongyang. Kim Yong-nam, membre du bureau politique du comité central du parti, membre du comité des affaires d'État de la République et vice-président du comité central du parti, a prononcé le rapport qui dit notamment: la fondation de l'Association nationale coréenne était un événement décisif de grande portée pour élever à une étape plus élevée la lutte anti-japonaise du peuple coréen pour recouvrer l'indépendance du pays et sauver le sort de la nation martyrisée sous le drapeau de l'indépendance anti-impérialiste et de l'Union nationale. Sous la direction de M. Kim Hyong-ji, l'Association nationale coréenne a promu dynamiquement le développement indépendant et unifié du mouvement de libération nationale et exploré la nouvelle révolution prolétarienne sous le drapeau de l'indépendance par les propres forces et l'Union nationale. Sa grande volonté et son vœu pour l'avenir civilisé sont brillamment réalisés par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il. Aujourd'hui, l'idée Tiwon visée haut de M. Kim Hyong-ji continue parfaitement par le dirigeant suprême Kim Jong-un. Que tous s'unissent étroitement autour du dirigeant suprême pour faire de l'idée et de la volonté de Tiwon un trésor spirituel éternel de la révolution coréenne et progresser dynamiquement pour l'édification d'une puissance socialiste, la réunification indépendante de la patrie et la victoire finale de la cause de la révolution tutsi.